Et voilà, quand on s'aime, on se retrouve en frère. Pas de haine dans nos règles, pas d'enfoirés rebelles. Et qui voudrait changer tout ça? Qui oserait toucher à ça? Rien qu'une fois, sans l'ami fidèle qui est pas là. Et voilà, son grand rêve coule maintenant dans nos veines. Notre quête quotidienne était aussi la sienne. Et qui voudrait changer tout ça? Qui oserait toucher à ça? Rien qu'une fois, sans l'ami fidèle qui est pas là. Et voilà, comme hier, on se retrouve sur scène. Sans frontières, et sans cesse, nous chercherons nos frères. Et qui voudrait changer tout ça? Qui oserait toucher à ça? Rien qu'une fois, sans l'ami fidèle qui est pas là. Et qui voudrait changer tout ça? Qu'une fois, sans l'ami fidèle qui est pas là.